camarade châtaignier. Je tripe avec lui dans la forêt. Il me donne des fruits que j'aime bien, même si ça pique un peu les mains. Oh, mon camarade châtaignier, il habite dans une forêt enchantée. Il fait au moins 30 fois ma taille, mais ça, il me dit, c'est pas trop l'idéal. Il me demande pourquoi l'air est si pollué et pourquoi la couleur du ciel a tant changé. Je lui réponds, c'est les miens qui sont tarés. Les glaciers sont faits couper. Oh, mon camarade châtaignier, il a aussi peur des araignées. Il aime bien qu'on lui gratte un peu l'écorce, et quand ses ongles se cassent en force. Oh, mon camarade châtaignier, il aime aussi la pluie, les giboulées. Ça lui nettoie son feuillage, et surtout il peut boire autant que son âge. Il me demande pourquoi le goût de l'eau a tant changé. Et pourquoi le ciel est si mauvais? Je lui réponds, c'est les miens qui se sont abusés. À tout foutre en l'air, à tout foutre en l'air, à tout foutre en l'air, à tout foutre en l'air. Camarade châtaignier, je tripe avec lui dans la forêt. Il me donne des fruits que j'aime bien, même si ça pique un peu les mains. Même si ça pique un peu les mains. Même si ça pique un peu les mains. Oh, mon camarade châtaignier. Camarade, la châtaignée.